Ok, merci beaucoup Arthur. On va finir par un agenda très rapide. Annabelle n'étant pas là, c'est moi qui m'y colle. Alors évidemment, j'espère que parler de tous ces films, ça vous a intéressé. Les films vont passer le 26 avril 2005 au Forum des Images, donc mardi. Et vous pourrez voir donc tous ces films, plus le reste du palmarès, on en a parlé, mais vous avez Raging Blue, Cheval Soleil, Cavani Mox, Un Gros Billet, Riba, L'Éléphant et Les Quatre Aveugles. Je crois que j'en ai pas oublié. Si vraiment vous ne pouvez pas aller au Forum pour Pistache et Des Canards dans la Cuisine, j'espère bientôt pour La Révolution. Mais La Révolution, vous pouvez le trouver sur Arthur, arthurdepins.com, donc tout attaché sur Internet. Pistache et Des Canards dans la Cuisine, on a de la chanson depuis un petit moment sur The Web Anim, zewebanim.com, en coup de cœur. On espère qu'on aura bientôt La Révolution, puis on espère bientôt avoir le film de Jérémy. Qui mérite évidemment tous ces films d'être vus avant tout sur grand écran, donc précipitez-vous dès que vous pouvez voir sur grand écran. Alors, peu d'actualité pour le mois de mai. Seul jeudi 19 mai, Michel Cournoyer, qui avait réalisé un très beau film, Le Chapeau, très remarqué à Annecy en 2000, fera une carte blanche au Forum des Images. Sinon, aucune sortie pour le mois de mai. Donc, deux petites news internet. Nos amis les Fous d'Anime, dont on a parlé, lancent la 6e édition du désormais incontournable Défi des Fous, sorte de concours amical. Il s'agit de créer un petit film d'animation respectant quelques règles, thème imposé, insertion d'un morceau de musique, d'un son, d'une couleur. C'est l'occasion pour les créateurs professionnels ou amateurs de s'adonner à leur passion, et c'est souvent un vrai régal, très très belle chose. Cette année, l'édition a comme thème la plage, avec trois contraintes. Je vous les laisse découvrir. Fous d'Anime, c'est donc www.fousdanim.fr ou .com, je crois. .com. Faut essayer les trois, je suis désolé. Je suis désolé pour eux, mais je crois que c'est bien foudanime.com. Voilà, après de longs mois d'attente et de questionnement, ça y est, Bulle de Rêve est enfin disponible sur Internet. Alors, encore sur The Web Anime, je suis désolé, mais on est content avec, pour la première fois, l'émission de décembre avec l'exposition de Miyazaki et cette émission-là qui devrait être en ligne mardi. Donc, si vous voulez écouter les propos de nos invités, c'est www.thewebanime.com/bulle de rêve, tout attaché avec un S à bulle, donc BULLESDEREVE.HTM. Et vous trouverez aussi bien des chroniques de Serge Corman que tous nos invités, c'est très bien. Donc, prochaine émission de Bulle de Rêve, Olivier sera de nouveau derrière le micro. Ça sera le samedi 21 mai 2005 et nous essaierons de répondre à la question cruciale. Eric et Ramzy sont-ils des fans d'Alexandre Alexeïev, et leur prochain film animé sera-t-il un remake de Roman de Renard? Merci, à bientôt.